Chapitre 16e, l'apparition vivante. Donc, au moment où l'affaire allait être appelée, comme on dit au parquet, quelques jours avant l'ouverture des débats, M. Duranton prenait chez lui, après déjeuner, le café en compagnie de l'excellente Mme Duranton. Il parlait naturellement de l'affaire de la tilleuse, sujet inépuisable de toutes leurs conversations. La bonne lui remit une carte. À la lecture de cette carte, M. Duranton fit un bond. Il en renversa sous le tapis sa tasse de café. Madame Duranton poussa un cri d'alarme. « Oh, le tapis, le tapis !» Tout ému, le juge répliqua. « Il s'agit bien du tapis. » Étendant la carte à sa femme. « Tiens, lis. » Madame Duranton jeta à peine les yeux sur le Bristol. Elle poussa aussi un cri de surprise. « Oh !» Dans son geste d'étonnement, elle renversa son verre d'eau-de-vie de cidre sous le tapis, déjà endommagé. La bonne s'écria avec désespoir. « Oh, madame, après le café, le calvados !» Comme elle se précipitait avec une serviette pour étancher le liquide, restreindre les dégâts, dans sa hâte, elle fit basculer le sucrier. « Laissez cela !» fit M. Duranton impatienté, nerveux. « Laissez cela ! Faites entrer cette personne au salon !» Alors le juge d'instruction et Mme Duranton se regardèrent anxieusement. Sur leurs lèvres tremblantes en même temps, un même mot montait avec la même intonation d'anxiété. « Lui ?» Un spectre, un revenant, serait tout à coup apparu dans la salle à manger de ces deux braves personnages qu'il n'aurait pas produit plus gros effet. « Lui ?» Cela voulait tout dire pour le juge, pour Mme Duranton, comme aussi pour Paulin Broquet et Miss Hilden. « Lui ?» Celui, c'était le comte de Saint-Rion. Le comte qu'on croyait mort. Le comte qu'on avait reconnu assassiné au calvaire du bois de Fontenay, le comte dont l'assassin passait aux assises, le comte, enfin, qui avait été brûlé dans la bière au cours de l'incendie de la tilleuse. Oui, le comte Armand de Saint-Rion se présentait aujourd'hui en charionos vivant chez le juge Duranton. On a beau être prévenu de retour, s'attendre à pareille entrevue, la visite d'un homme qu'on a reconnu assassiné et déclaré brûlé doit malgré tout causer une forte émotion. Dévouée et fidèle, Madame Duranton, redoutant peut-être quelques dangers pour son époux, lui demanda en tremblant, la gorge serrée par l'émotion, « Veux-tu que je t'accompagne ?» Le juge, d'un geste large, l'arrêta. « Merci, ma chère amie, mais c'est au juge seul à recevoir le comte de Saint-Rion. » Et solennel, il traversa la salle à manger, raide, brave comme malin en danger. Madame Duranton appela la bonne. « Restez avec moi, » lui dit-elle. « Tenons-nous là. » Elle voulait être prête à courir au moindre appel. Quand la bonne lui demanda, inquiète aussi, « Qui que c'était donc, cette visite ?» Elle répondit tout bas, « Le comte de Saint-Rion. »« Est-ce celui qui a été assassiné ?» Oui. La bonne se signa et se mit à trembler comme la feuille. Le juge d'instruction Duranton entra dans son salon gravement de son pas lent et majestueux. Il croyait vraiment être revêtu de sa robe, orné de son hermine. C'était l'homme de justice, le représentant de la loi, qui marchait. Au-devant de lui, le visiteur fit un pas. « Je vous demande, monsieur le juge, infiniment pardon, d'être venu vous troubler chez vous, d'avoir pris votre temps. »« Mon temps n'est pas à moi, monsieur, » répondit le magistrat gravement. « Il appartient tout à mon devoir. » »« Alors, monsieur le juge, vous m'excuserez, quand vous comprendrez mon impatience, ma douleur et aussi ce besoin qui m'oppresse, de savoir enfin la vérité sur toute cette dramatique affaire. » D'un geste, le magistrat indiqua un siège au visiteur. « Je n'ai pas besoin, monsieur le juge, de me présenter davantage à vous. Je suis le comte Armand de Saint-Rion. Je l'ai appris par votre carte. C'est moi qui vous ai envoyé d'Amérique un télégramme vous annonçant ma prochaine venue en France. J'ai parfaitement reçu ce télégramme. Il a dû vous causer une grande surprise, en effet. Vous ne vous attendiez certainement pas à recevoir un télégramme d'un homme que vous aviez reconnu mort. Je ne vous le cacherai pas. Peut-être, sur le moment, avez-vous cru que c'était l'œuvre d'un plaisant macabre, d'un fou, d'un monomane, peut-être. Un juge, monsieur, quelque étrange que soit l'affaire qui se présente à lui, ne dit rien, ne se prononce pas, avant de l'avoir bien étudiée et profondément analysée. Je ne me croyais nullement le droit de douter de la véracité de ce télégramme, de la sincérité de son expéditeur, sans avoir la preuve certaine que je ne devais y attacher aucune importance. Ce fut mon tourment que cette pensée. Le juge d'instruction ne quittait pas des yeux cet homme qui pour lui était en quelque sorte un revenant. il l'étudiait et cherchait à cet instant à se faire une opinion, à établir une assise pour sa conviction future, pour la décision qu'il devait prendre sous peu, pour les arguments qu'il serait appelé à formuler. Ah, certes, Clouteau, Alexandre, Zygomar, comme il vous plaira de l'appeler, en ce moment se montrait beau joueur. Il risquait tout bonnement sa tête. Un geste du juge Duranton suffisait pour le perdre. Mais le juge Duranton pouvait-il quelque chose contre cet homme que là-bas, en Amérique, tout le monde reconnaissait pour le vrai comte de Saint-Rion? Le comte était un homme assez grand, bien découplé, de belle prestance. Il était habillé avec une sobre élégance et avait cette attitude un peu raide qu'on appelle genre américain. Ses yeux noirs brillaient d'un vif éclat et semblaient très intelligents. Il s'exprimait avec facilité et aisance. L'allure générale, enfin, était celle d'un gentleman correct. Cependant, le juge d'instruction ne sentait pas en son fort intérieur cette sympathie spontanée qui devait le pousser vers un homme frappé par de grands malheurs. Il n'y avait pas entre lui et le comte cette correspondance d'âme qui fait naître la cordialité, la compassion, l'affection. Le juge se tenait sur ses gardes. Son instinct de magistrat lui disait de ne pas se laisser aller à son bon cœur, de se méfier, en quelque sorte, d'agir avec cet homme, non pas comme avec un homme ayant souffert digne d'intérêt, mais comme avec un homme qu'il faut non plaindre, mais juger. Le bon monsieur Duranton, étonné lui-même de cette froideur qu'il ressentait en présence du comte de Saint-Rion, se disait « Je me sens plus à mon aise auprès du braconnier Gervais qu'en face du comte de Saint-Rion. C'est étrange, c'est curieux. » Mais le juge n'était pas de nature à se laisser guider par un sentiment. Il ne tenait nullement compte de ses sensations reposant sur des faits antérieurs, plus ou moins logiques. Il savait trop bien que le cerveau reflète très souvent les hypothèses émises dans l'entourage et que l'esprit peut être influencé par des causes multiples pour écouter la sorte d'antipathie qu'il éprouvait envers cet homme. Elle pouvait fort bien provenir, cette aversion, de cette surprise en vérité très grande, d'apprendre que celui qu'on a déclaré mort est vivant. Elle pouvait encore parfaitement avoir pour origine la crainte de se voir couvert de ridicule par la presse, par les jaloux, par cette quantité de gens qui proclameraient, en la dénaturant, la mésaventure. Il était facile, en effet, de déclarer grotesque, de trouver comique, cette situation anormale, cette entrevue d'un juge avec celui qu'il avait reconnu mort. Le bon M. Duranton, digne magistrat, attribuait donc son aversion instinctive et son manque de sympathie à cette crainte intime. Mais, trop loyal, il fit effort sur lui-même pour surmonter ce sentiment hostile et écouter avec un esprit absolument libre et dégagé de toute prévention. À qui pouvais-je mieux m'adresser qu'à vous pour connaître la vérité sur cette affaire épouvantable et obtenir tous les renseignements désirables pour rejoindre ma Madeleine adorée? « Vous avez bien fait, monsieur, de vous adresser à moi, et vous me voyez tout disposé à répondre, dans la mesure de mes moyens, à toutes vos demandes. Oh, combien je vous suis reconnaissant! Ma situation est assez compliquée, et j'aurai grand besoin de votre concours, monsieur le juge, pour arriver à en sortir. Actuellement, je suis reconnu mort. Je n'existe plus au point de vue état civil. Il me faudra donc entreprendre des démarches, pour me faire établir dans la vie ordinaire au point de vue légal. » C'est exact. Voulez-vous, monsieur le juge, que je vous prouve dès maintenant mon identité et que je vous fournisse toutes les pièces nécessaires à cette reconstitution? Le juge secoua la tête. Par en ce moment, monsieur, ce serait inutile. Ici, dans mon salon, je ne suis non pas le juge d'instruction, mais monsieur Duranton, à qui vous venez rendre visite et demander officieusement quelques renseignements. Monsieur Duranton, homme de précaution, on le voit, tenait à bien établir la situation. « Est-ce vrai, monsieur ?» demanda le comte. « Est-ce bien vrai que Madeleine soit folle ?» Madame Madeleine fut frappée effroyablement en effet par la vue de celui que le sergent Dalmer amenait mourant à la tilleuse. Frappée au point qu'elle fut prise d'un transport au cerveau et qu'à présent, elle n'a pas encore recouvré sa raison. Un sanglot coupa la parole à monsieur Duranton. Le comte de Saint-Rion tenait sa figure dans son mouchoir. « Folle, Madeleine, folle. Mais les docteurs l'ont vue, les hommes de l'art l'ont examinée, ils gardent quelque espoir de la sauver, n'est-ce pas? Cela, monsieur, est en dehors de mon ministère et ne touche pas mon enquête. Je ne puis rien vous dire à ce sujet. » Paulette ? Le juge hésita quelque peu à répondre. « Ici, monsieur, la justice ne peut vous donner de renseignements certains. Je me contenterai de vous déclarer ce qui a été établi. Si le sergent Dalmet, au péril de sa vie, a arraché aux flammes Madame Madeleine, la petite Paulette a été sauvée du feu par une paysanne. Oh, la brave femme ! Une paysanne étrangère au pays, qui, peu après, disparut avec l'enfant et dont la police, jusqu'à présent, n'a pu retrouver les traces. Alors, ma fille, volée !» Le comte éclata encore en sanglots. Il eut une crise de poignante douleur. « ma fille volée, par qui, pourquoi ? Oh, pourquoi m'avoir pris ma Paulette ?» Il avait un accès de violent désespoir. « Oh, monsieur, voyez ma situation, voyez ma douleur. Je reviens, et je trouve ma femme, ma Madeleine adorée, folle. C'est-à-dire que mon bonheur est perdu, brisé, Madeleine est folle. J'aurais eu une consolation dans mon enfant. » Et on m'a volé ma Paulette. Oh, quel mari, quel père, quel homme ici-bas a pu se voir affligé d'une peine aussi grande. Il sanglotait fortement. Madeleine, ma Paulette, ma femme, ma fille. Puis, se tournant vers M. Duranton, il dit. Monsieur le juge, il vaudrait mieux pour moi que votre enquête fût vraie, vraie en tout point. Il vaudrait mieux que la victime de ce drame fût réellement le comte de Saint-Rion. Au moins je ne souffrirai pas le supplice que j'endure. Je ne traînerai pas mes jours dans un martyr qui ne finira pas. » Le juge s'était levé. Il laissa son visiteur dans sa douleur et revint à la salle à manger. Derrière la porte se trouvaient encore aux aguets Madame Duranton et la bonne. En le voyant paraître, la bonne se signa de nouveau. Peut-être croyait-elle déjà que son maître, comme le comte, était en revenant. Mais Madame Duranton se précipita au cou de son mari, comme toute femme aimante fait quand son époux revient d'un long voyage ou a échappé à quelque grand danger. Très calme, très digne, M. Duranton dit à sa femme, « Préparez pour ce monsieur un verre d'eau sucrée. Avec un cordial quelconque, vous l'apporterez au salon. » Puis il revint auprès du visiteur qui ne cessait de sangloter et qui vraiment paraissait sur le point de se trouver mal. Le juge d'instruction se tint debout devant lui à deux pas. Impassible, il regardait se tordre dans les mains, s'essuyer les yeux, se renverser dans son fauteuil. Quand Madame Duranton, non sans une forte émotion, non sans trembler, apporta le verre d'eau sucrée, il dit au visiteur « Tenez, monsieur, buvez ceci, ça vous remettra, calmera un peu vos nerfs surexcités. Oh, merci, madame, merci, monsieur le juge. » Le visiteur but lentement le verre d'eau et éprouva en effet un soulagement immédiat. Alors le juge Duranton demanda « Maintenant, monsieur, quelles sont vos intentions ?»« Je voudrais aller au plus tôt à la tilleuse. Rien de plus facile. »« Pourrais-je trouver un véhicule qui m'y conduise ?»« Certainement. Je puis même, par quelqu'un du tribunal, vous éviter une démarche et faire venir un voiturier, celui que je réquisitionne généralement. »« Oh, grand merci !» Le visiteur hésita comme s'il eût eu quelque chose à dire et qu'il n'eût pas osé le formuler. Puis, faisant un effort, il finit par dire « Ah, monsieur le juge, vous êtes si bon pour moi. Je me décide à vous adresser une prière. Laquelle, monsieur ? Pourriez-vous venir avec moi, la tilleuse ?» À cette demande, monsieur Duranton ne put s'empêcher de tressaillir. Depuis la réception du télégramme annonçant la venue du comte de Saint-Rion, il s'était dit souvent qu'il voudrait bien assister à l'entrevue première du revenant et de Madeleine. Certes, ce devait être là une scène peu banale. Un moment dramatique. Peut-être en tirerait-on un enseignement et trouverait-on un éclaircissement. M. Duranton accepta d'accompagner chez les Dalmet, où se trouvait Madeleine, le comte de Saint-Rion. Mais il ne voulut pas être le seul à l'y accompagner. Par une coïncidence heureuse, le jeune avocat, maître Thirion, se trouvait à Mantes. Depuis la clôture de l'enquête, il ne venait pas tous les jours voir son client Gervais, se donnant un peu plus à ses occupations de Paris. Mais ce jour-là, il se tenait dans le cabinet du juge d'instruction, attendant son cousin pour avoir quelques nouvelles ou tout simplement pour lui dire bonjour. « Te voilà !» dit M. Duranton en l'apercevant. « Ah, te voilà !»« Oui, mon cousin, comment allez-vous ? Bien, très bien, parfaitement bien. Quoique je vienne d'éprouver une secousse, une forte secousse, un tremblement de terre, une secousse morale, je devine. » s'écria le jeune avocat. Le juge, pressentant aussi ce qu'allait lui dire son jeune cousin, inclina la tête d'un geste d'assentiment. « C'est bien cela, il est arrivé. Le comte fantastique, précisément, le comte de Saint-Rion, le comte américain, il est venu me trouver à la maison. Ah !» Le jeune avocat s'écria, très fort, très malin. « Il vient chez le juge d'instruction. Sa première visite en revenant est pour celui qu'il a reconnu mort. S'il est vraiment le comte de Saint-Rion, cette visite l'est tout indiquée. S'il ne l'est pas, si c'est un chenapan quelconque, c'est un coup de dard superbe. En ce moment, il est au salon avec Madame Duranton. Il pleure, il se lamente, il témoigne d'une désolation sans pareille. D'être revenu, de retrouver sa femme folle et de ne plus avoir son enfant. Il ne se plaint pas d'avoir été brûlé. Le juge d'instruction dit à son cousin, « Ne plaisante pas, mon ami. La situation est assez grave, assez compliquée, assez ennuyeuse pour moi. » Maître Thirion, redonnant sérieux, comme le lui demandait son solennel cousin, écouta le récit de l'entrevue que lui fit M. Duranton. Quand le juge d'instruction lui eut narré en un style pompeux la scène que nous connaissons, Maître Thirion lui demanda, « À votre avis, mon cousin, qui est cet homme? Que pensez-vous de lui? Quelle est enfin votre opinion personnelle, votre conviction intime ?» Le juge d'instruction lentement déclara, « Mon cher ami, dans une affaire de justice, l'homme privé, M. Duranton, doit passer après le magistrat que je suis. Je n'ai pas à avoir de conviction intime, d'opinion personnelle. Je dois me tenir en dehors de tout sentiment de répulsion ou de sympathie. Je dois faire abstraction de mon opinion d'homme, sujet à erreur, pour n'être que le serviteur exclusif de la loi qui, elle, ne se trompe pas. Cependant, de vous à moi, vous pouvez bien me dire ce que vous pensez de la tête du bonhomme, de son allure, de tout, enfin. » Après une courte hésitation, M. Duranton répliqua à Maître Thirion. « Pour le moment, cet homme nous a fourni des preuves par les lettres que nous avons au dossier. »« Admirable alibi, » fit le jeune avocat. Nous n'avons pas le droit de qualifier ce voyage en Angleterre, en Amérique, d'alibi. Tout concorde, tout se lit, et semble non prémédité, mais résulté de la suite logique de l'enchaînement des faits. C'est exact, je le répète, c'est admirable, c'est trop admirable même. Cet homme, au surplus, nous offre de nous donner d'autres renseignements moraux, spéciaux, qui achèveront de nous convaincre de son identité. Le domestique Alexandre qui a été assassiné. Le magistrat ajouta, « Les preuves de ce qu'il avance sont claires, précises, irréfutables. En tant que magistrat, je dois croire à la parole de cet homme. En tant qu'homme de loi, je dois reconnaître devant ses preuves en lui le vrai comte de Saint-Rion. C'est vrai, mon cher cousin, c'est parfaitement, c'est malheureusement vrai. » Le magistrat étendit les bras d'un air convaincu et cependant attristé. « La loi, » fit-il, « je suis esclave de la loi. » « Oui. » C'est qu'un jeune avocat, mais moi, qui ne suis pas tenu aux mêmes obligations que vous, moi qui ne suis pas enfermé dans les terribles textes de loi, moi qui suis fait au contraire pour combattre, lutter contre cette loi derrière laquelle vous êtes enchaîné, moi, avocat, j'ai bien envie de sauter au cou de cet homme et de lui crier « Vous êtes un odieux imposteur, vous n'êtes pas le comte de Saint-Rion. » Le juge d'instruction lui dit « Et si cet homme te demande, puisqu'à votre avis je ne suis pas le comte de Saint-Rion, « voulez-vous me dire qui je suis ? Que lui répondras-tu ? Vous êtes non le comte, mais son valet. Vous êtes Alexandre. » Le juge d'instruction bondit. « Oh, tu vas un peu loin. J'irai plus loin encore et je lui crierai. Non seulement vous n'êtes pas le comte de Saint-Rion, mais je vous accuse, vous, qui prenez sa place, d'être son assassin. » À ces mots, le juge sursauta. « Tais-toi, malheureux !» s'écria-t-il en formant la bouche de son cousin. « Tais-toi !» Mais ce cri fut lancé avec une telle intonation que le jeune avocat regarda le juge. Tout bas, à présent, d'homme à homme, il lui demanda « C'est aussi votre pensée, cet homme est l'assassin. » Le juge, comme navré, se laissa choir dans son fauteuil. « Je n'ai pas le droit de voir au-delà des preuves qu'il m'a fournies. » Cependant, il ajouta avec une énergie soudaine « Mais que le moindre indice surgisse en dehors de ces preuves, que le plus petit fait m'en donne l'occasion, que ma conscience de magistrat impartial m'y autorise, qu'il soit de mon devoir de juge de le faire, je lance un mandat d'arrêt contre cet homme. » Le jeune avocat serra la main de son cousin, lui disant avec joie, « C'est tout ce que je voulais vous entendre dire. »